Autobots wage their battle to destroy the evil forces of the Decepticons, the Transformers. Robots in disguise. The Transformers. More than meets the eye. The Transformers. Une émission proposée par le groupe radio du collectif Transpédéguine de Bruxelles, avec le soutien de la Fondation internationale pour le rêve et la fantaisie, ainsi que du groupe de recherche européen pour la décroissance et la dispersion des idées, avec du collage sonore, du slam, des bouts de vie, ma vie de transsexuel, et des réflexions suite à des discussions lors de rencontres informelles, d'ateliers et de réunions en rapport au festival Transformers qui se déroulera du 4 au 12 avril 2008 à Bruxelles. Écoutez Infidèle Castra, vous pourrez retrouver Infidèle Castra au festival Transformer du 4 au 12 avril à Bruxelles. Vous pouvez aussi retrouver Infidèle Castra sur infidelcastra@voila.fr. Un festival d'une semaine autour des questions sur le genre et les identités sexuelles. Pour partager des expériences. Échanger des avis. Pour tordre le cou aux idées reçues. Du 4 au 12 avril à Bruxelles. Le festival Transformer vous propose de participer à des ateliers, des débats, des projections, des performances, des expositions, des concerts, dans une atmosphère de transgression, des codes et des pratiques normatives. Pour se rencontrer sans entrave, sans racisme, sans sexisme et sans homophobie. Pour lutter, pour s'exprimer, pour chanter, danser, s'aimer et faire la fête. Pour se donner l'occasion d'approfondir certaines questions. Des questions sur le sexe et les sexualités, mais aussi sur les changements de sexe. Le féminisme, l'activisme anti-autoritaire, l'écologie, La psychiatrie. La prostitution, la décroissance. L'autogestion, les MST, l'image, les codes vestimentaires, la pornographie. Ensemble, nous aborderons, à travers des discussions, des prises de parole, du slam, des exposés. Avec la voix, mais aussi grâce à d'autres supports. Gravure, peinture, sérigraphie, poésie, affichage, vidéo. Si vous voulez participer, faites-nous un signe. Contact cuirbxl@gmail.com. Info sur le site http://www.electrastar.be. Il ne faut pas oublier qu'en réalité, il n'y a ni homme ni femme, mais que chaque être humain est un mélange d'homme et de femme. Le festival Transformer, un festival d'une semaine à Bruxelles, du 4 au 12 avril 2008, pour parler de sexe et de sexualité, de liberté et de plaisir. C'est le Transformer Festival. Transformer Festival. Transformer Festival. Transformer Festival 2008. Bonjour, monsieur, dame. Je cherche des amis. Alors, je sais pas. Ils m'ont dit que je trouverais. Ils se réunissent pour organiser des choses un peu spéciales. Ah oui, ça c'est spécial, ça oui. Ouais. Mais je sais pas si... Ils m'ont dit dans les catacombes, alors c'est... Oui, enfin, c'est en bas. Ça t'amuserait de jeter un coup d'œil? Bah... C'est bien, hein? Mais qu'est-ce que t'as, mon petit chat? T'es timide? Non, c'est parce qu'ils m'ont dit c'est secret, alors... Secret? Mais non, c'est pas secret. C'est discret, c'est pas pareil. Ah, autrement, tout le monde le sait. Ah, il y a même des gens de la police qui viennent. Ah, bon. La semaine de festival démarrera à 16h le vendredi 4 avril à la RTT 194 rue de Molenbeek à Laeken avec un salon de thé et la répartition des ateliers de la semaine, suivi d'un set DJ Cozy. Did your mom slip you the tongue? No. Because I just read online that there's going to be a live-action Transformers movie. And? As you know, my online handle is on all the time. I know that. I wish I didn't. Well, so, not only is it awesome that there's going to be a live-action Transformers movie, but I'm, like, positioned or whatever with the best possible net handle and email address for when the movie comes out. Oh, you're gonna be rolling in the pussy, man. Don't be gross. It's just a guy who was just playing console hockey with his mother. Mr. Dante! Leave Elias alone, Randall! Oh, look at his baby. Did the Transformers suck? Oh, no, they didn't. They're more than meets the eye. They could beat the pants off Ranger Danger. I always sleep wondering whether you're right about that or not. But you weren't even allowed to watch a lot of TV in your house because you're all Christian and shit. Well, as it turns out, cars are trucks that turn into robots. are really at blacksmiths, because my pastor says that machines can turn into other machines, and it's not a slight against God. Transformers were a total slight against God, as much as God sent his only begotten son to die on the cross to redeem mankind, and all we did to pay him back was make terrible fucking cartoons like the Transformers. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Que pensez-vous des punks homosexuels? Bonjour, qu'ils ont tout à fait le droit d'exister comme la plupart des individus sur cette planète. Je pense qu'il faut laisser place à une grande liberté au niveau sexuel, entre autres. Eh bien merci monsieur, vous faites quoi après? Peut-être pas un petit café. Allez, ok. Le sadomasochisme est-il un théâtre? La peur d'être libre? Une maladie mentale? Une thérapie polysacrilège? Le frère siamois du catholicisme? La voie apollinienne vers l'éruption dionysiaque? La soupape sexuelle des sociétés vastes? Un crime? Dissection du sadomasochisme organisé, approche anarchiste. Un livre de Jean-Manuel Trémont, paru aux ateliers de création libertaire. Pour plus d'informations, contactez le site internet www.atelierdecréationlibertaire.com ou envoyez un email sur contact@atelierdecréationlibertaire.com. Il faut se tirer, on est avec une tente. Hein, qu'est-ce que tu dis? On est avec une tente. Bob, ça a pédé. Allez vite, habille-toi. Ton destin, c'est moi. Ton avenir, il est tout tracé. Tu me rends compte, tu me suis. On se laisse emporter par le grand tourbillon. Et puis, quand ça s'arrête... Qu'est-ce qui se passe quand ça s'arrête? Revolver, prison. Ça dépend. Qu'est-ce que vous complotez encore, les deux PD? Parce que maintenant tu aimes les femmes. Pourquoi c'est interdit d'aimer les femmes? Non, mais moi je suis un homme. Ah bon? Ben oui, alors faudrait savoir vers quoi tu t'orientes. Je m'oriente. En fait, tu es désorienté. La loi iranienne fondée sur la charia est intransigeante. Deux adolescents, Ayaz Mahoni, 18 ans, et Mahmoud Asghari, 16 ans, ont été exécutés par pendaison le 18 juillet 2005 à Mejed, nord-est de l'Iran. Motif officiel, le viol d'un garçon de 13 ans. Simple prétexte, rétorquent certains défenseurs des droits de l'homme pour condamner de manière exemplaire un couple qui vivait ouvertement son homosexualité. Directement ou insidieusement, 80 pays pénalisent l'homosexualité. Les peines vont de l'emprisonnement à une sentence de 200 coups de fouet, ou en Iran, à la pendaison. Être homo vaut la peine de mort dans 6 autres pays. L'Afghanistan, le Yémen, l'Arabie Saoudite, la Mauritanie, le Soudan et le nord du Nigeria, où est appliquée la loi islamique. Discrimination légale, sociale et politique, les exemples abondent. Au Brésil, où se déroule pourtant la plus grande gay pride au monde, on recense un record de meurtres et d'agressions homophobes. En Russie, où l'homosexualité est décriminalisée depuis 1993, le maire de Moscou, Yuri Lyushkov, refuse d'autoriser la tenue d'une gay pride, qu'il qualifie d'œuvre de Satan. Ce qui lui vaut une procédure devant la Cour européenne des droits de l'homme. L'homophobie sert parfois d'arme politique. En 2002, en guise d'hymne de campagne, l'ex-premier ministre jamaïcain Edward Sega avait choisi une chanson du groupe Dance Hall Talk appelant à brûler les homosexuels. Au Cameroun, 3 ans plus tard, les journaux publiaient des listes d'homos présumés, provoquant rafles policières et incarcérations. Initiateur de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, le 17 mai, le français Louis-Georges Thin tente de faire adopter par un État à l'ONU un projet de résolution de dépénalisation universelle. Mais un tel texte devrait être porté par un pays du Sud qui ne pénalise pas et qui, si possible, soit gay-friendly, explique-t-il, ce qui restreint considérablement le champ des possibilités. C'était River, une chanson de ZX sortie en 2001 sur l'album Dizzy Spell. Le festival. Alors, moi je vais y organiser un atelier d'écriture, déclamation, slam. Tout dépend avec quoi les participants arrivent. Et si c'est un atelier d'écriture collective, alors ce sera sur le thème « La position du missionnaire ». Et puis, pour pouvoir s'exprimer, il y aura un open mic en début de soirée de clôture où les gens, donc oui, ce sera un micro ouvert, les gens auront 3 minutes pour dire ce qu'ils ont envie de dire, déclamer les textes qu'ils ont envie de déclamer ou chanter ou faire des blagues ou faire leur coup de gueule. Ce dont ils ont envie, tout est possible tant que c'est a cappella et court. 3 minutes, c'est une approximation. Ma motivation. Ma motivation, elle va dans la continuité de Slamix, c'est-à-dire de parler de genre et de sexualité et de tous ces dualismes qui nous enferme, nous, individus, avec nos désirs, nos contradictions, voilà, qui fait en sorte que nous ne collons pas à des catégorisations où tout est blanc, où tout est noir, et où on n'a pas trop le choix entre deux cases, qui est homme-femme, hétéro, homo, et tous les préjugés et stéréotypes qui vont avec. Et qui existe toujours aujourd'hui. Slamix. Hein? Mais dis, Claudio, qu'est-ce que ça colle, slam? Le slam? Ben, c'est de la poésie urbaine, ça claque, c'est art populaire des clamatoires. Ça claque la déclame du slam, ça claque la déclame du slam, claque pop pop poétique pop pop populaire. Mais dis, Claudio, et le slamix, qu'est-ce à quoi ? C'est du slam sexuel, sensuel. Un condensé sur les genres et sexualité, hétéro et olébi, hip-hop, danser, danser. Alors, entre dans la transe des genres, entre dans la transe des genres, entre quoi ? Comment ? Tu me demandes comment entrer dans la transe des genres ? C'est très facile. Il suffit de réserver un voyage all-inclusive auprès de la toute nouvelle firme de transport public. Mesdames et messieurs, bonjour. La SMRI, la société du réseau métrosexuel intergénérationnel, est heureuse de vous accueillir dans ses wagons luxueux. Veuillez attacher vos bandages bien serrés. Dans quelques instants, nous allons décoller. Destination, le pays renversé. Température à l'extérieur, 37,2 le matin. Ne vous endormez surtout pas, car à minuit poil, nous traverserons les fugaces paysages arc-en-ciel du triangle du 7e ciel. Région qui se situe juste en dessous du célèbre triangle des Bermudas. Enfin, arrivé. Nous, grands explorateurs, atterrissons en pleine tropique sur une île sauvage et mystérieuse, une terra incognita, un sol vierge à déflorer de nos pieds. À peine arrivés à l'aérogare, après avoir récupéré nos bagages, nous ouïssons au lointain de nos oreilles un rythme tribal, étrange et envoûtant. Slam, slam, slam, slam, X. Slam, slam, slam, slam, X. Slam, slam, slam, slam, X. Une naïade drag queen nous accueille chaleureusement. Bienvenue dans l'empire du puissant et bienveillant Sir Drag King, premier du nom. Faites comme chez vous, ici et rien qu'ici, devenez ce que vous avez toujours voulu être. Mais en attendant, restaurez-vous à l'envie. Les cuisiniers de Sir Drag King, premier du nom, vous ont concocté un fabuleux festin de gastronomie du terroir. En apéritif, vous dégusterez des toasts garnis de congluants. En entrée, des veloutés de travestis en vinaigrette. Comme plat de résistance, ce sera notre spécialité. Des jarrets de gigolos joyeux sur leur lit de ratatouille de travailleuses du sexe vaillante et sans complexe. En dessert, vous apprécierez notre salade de fruits féministe et phallique. Le tout arrosé de cocktails de sécrétions glacées, à boire avec modération au risque d'attraper le tournis du pelvis. Une multitude de femmes poilues et vêtues de slip kangourou furent à nos petits soins. Elles nous demandèrent de leur voix grave. Je vous sers un peu plus de progestérone ou désirez-vous un peu plus de testostérone? Après s'être rassasié de cette cuisine simple et familiale, de gigantesques hommes maquillés de tatous de la tête aux pieds talons aiguilles nous accompagnèrent vers les inénarrables sources thermales. Pour l'endrocure, c'est par ici, la gynécure par là-bas. Le reste, vous le découvrirez en réservant votre voyage auprès de SMRI, la société du réseau métrosexuel intergénérationnel, la société faite pour vous séduire. Et s'il n'y a pas de shop SMRI près de chez vous, il y aura bien un comptoir DKB ou un automatique slam mix fait pour vous servir sans que vous bougiez. Il ne reste plus aux femmes à l'esprit civique, virgule. Aux femmes responsables, virgule. Aux femmes aventureuses. Qu'à renverser le gouvernement, virgule. Éliminer le système monétaire, virgule. Instituer l'automation totale. Et détruire le sexe mâle, point. C'était « Ton corps est un champ de bataille » de Rosa Parks. Ce sont des personnes qui ont parfaitement conscience d'être ou un homme enfermé dans un corps de femme ou une femme enfermée dans un corps d'homme. Et donc, c'est pas une pathologie délirante, si vous voulez. Hein. On parle de transsexualisme primaire et secondaire, et ça, qu'est-ce que c'est ? Oui, mais disons que le transsexualisme primaire, c'est quand le conflit est en place depuis la plus tendre enfance et quand cette identité s'est construite depuis le départ. Et c'est secondaire lorsque ça résulte plus d'une ambivalence de l'identité de genre, mm-hmm. une sorte de combat entre la partie masculine et féminine. Et chez l'homme qui devient une femme, dans le transsexualisme secondaire, il s'agit aussi d'une impossibilité à assumer, à affronter les conditions de la vie masculine. Mm-hmm. Même s'il lutte très très fort pour y arriver. Hein. Ouais. Dans ce cas-là, c'est une sorte d'élan vers l'autre sexe par inadéquation par rapport à leur propre mm-hmm. sexe. Ça, c'est le secondaire. Est-ce qu'on peut comparer les plaisirs féminins et masculins ? Vous les comparez, vous êtes passé par l'un par l'autre. Je parle pour moi parce que bon, je ne peux pas savoir exactement ce qu'une femme cisgenre a comme plaisir. C'est qu'une femme cisgenre, c'est ça ? Oui, vous, ouais. par exemple. Voilà. Enfin, je suppose. Oui, il me semble. Aussi loin que je m'en souvienne, en tout cas, oui. Non, parce que... Je ne peux pas le savoir, à part ce que mon ex-épouse pouvait m'en dire. Mais dans ce que vous avez vécu en tant qu'homme et en tant que femme, est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que vous ressentez la même chose ? Dans l'esprit, oui. Parce que même en tant qu'homme, j'avais des orgasmes mentaux beaucoup plus que physiques. Ça, ouais. déjà avant. Donc ça n'a pas changé grand-chose. Mmh. Pour moi, elle n'est pas transsexuelle et même pas hermaphrodite. C'est une erreur. C'est tout. On lui a collé un zizi là où on ne devait pas en avoir. Mais voilà, ben, on enlève bien l'appendicite, pourquoi est-ce qu'on n'enlèverait pas ça si ça ne convient pas ? Quand elle était garçon, on se foutait d'elle aussi, hein, ici dans le quartier. Comme elle n'avait pas des allures de garçon, eh ben, c'était le petit pédé par-ci, le petit pédé par-là. Mais elle, dans sa tête, elle n'était pas pédé, elle était femme. Alors elle a préféré changer de sexe que d'être traitée de pédé. Ouais. J'ai une sexualité normale, j'ai toujours beaucoup de plaisir, des orgasmes normaux. Enfin, je ne saurais pas dire si c'est comme une femme ou comme une femme parce que je ne l'ai jamais vraiment été, mais en tout cas, c'est que ça marche. Tu as des orgasmes, mais des orgasmes comme quand tu étais garçon ? Non, c'est différent, c'est un peu moins fort. Mais tu peux en avoir à répétition, on va dire qu'un garçon, une fois c'est fini, Moi j'ai vu le sexe, le nouveau sexe de ma fille maintenant. On voit vraiment pas la différence avec. C'est formidable. Ce que l'Empire exige de chacun n'est pas qu'il se conforme à une loi commune, mais. À son identité particulière, car c'est de l'adhérence des corps à leur qualité supposée, à leur prédicat, que dépend le pouvoir impérial de les contrôler. Ma forme de vie ne se rapporte pas à ce que je suis, mais à comment je suis ce que je suis. Autrement dit, entre un être et ses qualités, il y a l'abîme de sa présence, l'expérience singulière que je fais de lui, à un certain moment, en un certain lieu. Pour le plus grand malheur de l'Empire, la forme de vie qui anime un corps n'est contenue dans aucun de ses prédicats. Grand, blanc, fou, riche, pauvre, menuisier, arrogant, femme ou français, mais dans le comment singulier de sa présence, dans l'irréductible événement de son être en situation. Et c'est là où la prédication s'exerce avec le plus de violence, dans le domaine puant de la morale, que son échec est aussi le plus jubilatoire. Quand par exemple, nous nous trouvons devant un être entièrement abject, mais dont la façon d'être abject nous touche jusqu'à éteindre en nous toute répulsion et nous prouve par là que l'abjection elle-même est une qualité. Assumer une forme de vie, cela veut dire être fidèle à nos penchants plus qu'à nos prédicats. Fasterby Babies avec un morceau intitulé Bacon. Retrouvez les Fasterby Babies au festival Transformers du 4 au 12 avril ou sur leur site internet fasterbybabies@nolog.org. Aujourd'hui, vous représentez en quelque sorte, peut-être, hein, on va voir ça avec vous, une sorte de troisième sexe. Silicone, ici collagène, traversée. Et moi, je me sentais vraiment très monstre. Oh. Et je voulais mourir jusqu'à 17 ans. Mais plus maintenant. Non, plus maintenant, maintenant je veux vivre. Au niveau sexuel, ben, on s'en fout. J'ai l'impression, pourquoi voulez-vous me mettre une étiquette? En tout cas, je ne cherche pas vos étiquettes. Je n'ai pas personnel, bien entendu. Hein. Si, bon, je ne suis pas un homme, ça c'est très clair, enfin, en tout cas, moi, dans ma tête, je suis une femme. Si je ne suis pas trans, je ne suis pas travesti, mais je suis peut-être monstre. Et puis, pourquoi pas? Et puis, je m'en fous complètement. Mmh. Ouais. Oui. Non. Et aucune... Pourquoi toujours mettre une étiquette sur chaque personne comme ça? J'ai une vie sentimentale, mais sexuellement, c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça? Pourquoi? C'est une sorte de confort. De ne pas être obligé, parce que sinon je me vois encore, bon, forcément du fait que je ne suis pas encore opéré. Bon, si je m'imagine dans une relation sexuelle encore avec mes attributs, je me sentirais mal à l'aise. Oui. Oui. Oui. Parce que vous envisagez une relation sexuelle avec quel partenaire aujourd'hui? Homme? Femme? Femme. Femme? Femme, oui. c'est peut-être surprenant. Femme, oui. Mais pas homme. Je dois dire que qu'il me pardonne, au pluriel, qu'il me pardonne. Je suis très réfractaire au genre masculin, à tout ce qui concerne, tout ce qui concerne les hommes, leur langage, leur façon de penser, etc. Je suis très réfractaire. Vous n'avez pas eu, comme certains ici, cette ambivalence de votre identité de genre? Non. C'est en fait, depuis, j'en suis certaine, depuis le berceau, je me sens mal à l'aise et comme un être inférieur, comme quelqu'un, peut-être comme un monstre. J'ai toujours eu honte de mon corps, depuis, vraiment. J'ai des souvenirs au berceau. Qu'est-ce qui fait que votre demande arrive si tard, que vous avez entendu si longtemps? Excusez-moi. En fait, c'est parce que je n'avais jamais entendu parler de transsexualité, d'opération qui aurait pu se faire ici, au moins en Europe. Vaguement, j'en avais entendu parler. C'est le manque d'information. Le manque d'information. Et surtout, j'ai toujours été écrasé par la religion. Donc, qui écarte forcément toutes ces pensées qui pourraient... la religion, quoi, qui vous a obligé à assumer votre corps de naissance. Oui, tout à fait. Et dans votre famille, comment vous appelle-t-on? On le disait, vos filles vous appellent papy encore? Oui, mes filles m'appellent toujours papy, forcément, et elles ne savent pas s'y mettre autrement, et mes parents non plus. Mais je n'ai pas de... J'ai de très bonnes relations avec ma famille. Ça ne vous gêne pas? Moi, c'est Marion. Je suis prostituée par choix, je tiens à le souligner, ce qui fait toute la différence. Je travaille toujours avec deux, trois copines qui sont dans la même situation que moi. Donc, ce sont au minimum des transgenres ou des transsexuels. Je me suis toujours sentie fille, même femme, avec les années qui passent, même si je précise que j'ai gardé mon sexe masculin. Je préfère faire l'amour en tant que femme, excusez-moi du terme, mais avec un sexe masculin qui peut parfois être utilisé de façon très féminine aussi, parce qu'il faut arrêter les clichés. Forcément, si on a un sexe, on va dominer la terre entière et on va pénétrer tout le monde, ce qui n'est pas le cas. Allô? Oui, deuxième étage, droite. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? La rencontre des gens, c'est pas tant la sexualité. Elle est agréable, elle est parfois agréable. Nie ma dla nas znaczenia twoja orientacja seksualna. Najważniejsze, żebyś był szczęśliwy. Żyj swoim życiem, nie krzywdząc innych i pierdol tych, którzy się śmieją. Ludzkość wie zbyt mało o prawach natury, aby decydować, co jest z nią słuszne, a co zgodne. Kolejny homofobiczny dowcip ogranicza twoje myślenie. Coraz trudniej przeżyć. Woo! I to jest motto tego festiwalu dla was wszystkich. cudownie, cudownie! Ej, więcej! Fajnie, to jest bomba! Codziennie miliony ofiar, miliony gwałtów, miliony sekund i miliony łez. Pozostaje zawsze tylko jedno pytanie, dlaczego? Gwałt. Vous venez d'écouter Niet Tolerancia, un morceau de Homo Militia, sorti sur une compilation contre le sexisme et l'homophobie par le label Emancipunks Records à l'occasion de festival en Pologne. Pas plus qu'il n'y a de gens purement hétérosexuels, il n'y a pas de purs homosexuels. Les expressions homosexuelles et hétérosexuelles ne sont que des mots, des têtes de chapitres au-dessous desquelles chacun peut écrire ce qui lui plaît. Elles n'ont pas un sens fixe, c'est un prétexte à bavardage. Une dernière incursion pour vous parler du Transformer Festival 2008 qui se déroulera à Bruxelles du 4 au 12 avril. Le contact, c'est queerbruxelles@gmail.com, site web www.electrastar.be. Voilà, salut, bonne nuit. Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas Je ne veux pas travailler, un morceau de Pink Martini sorti sur l'album Sympathique, commercialisé en 1999.